J'ai pris tes nouvelles ce matin, avant de faire une crise de panique. Tu me disais, moi, ça va bien, c'est juste une dépression chronique. Le paysage est peut-être laid, mais la pub est tellement sublime que je vendrai mon jardin secret pour me faire un plus gros parking. Enfermé dans mes problèmes, solidaire de mon narcissisme, je me plains dans le line-up au team que le monde est rendu triste, mais qui met de l'acide dans mon eau potable. Je crois que j'hallucine, je crois que je divague au milieu d'un champ de mine, à sourire au désastre. Tout ce que j'espère est un mirage. Y'a plus rien qui fait que ça rime. J'suis l'architecte de mon naufrage, au fond de la cale de ma déprime. C'est pas que j'veuille casser la parade, j'essaie de me défaire du cynisme, mais y'a beaucoup trop de monde qui rêve de s'accrocher dans son garage. J'ai tellement besoin d'amour dans ce tissu social en ruine. Est-ce qu'il me restera au moins un frère quand je serai admis à l'asile? Et qui met de l'acide dans mon eau potable? Je crois que j'hallucine, je crois que je divague au milieu d'un champ de ruines, à sourire au désastre. Mais qui met de l'acide dans mon eau potable? Je crois que j'hallucine, je crois que je divague au milieu d'un champ de mine, à sourire au désastre. Mais qui met de l'acide dans mon eau potable? Je divague.